Chapitre 18. Il faut conserver la mémoire d'un objet perdu pour le retrouver. La femme qui a perdu sa drachme et l'a cherchée avec sa lampe s'en souvient pour la trouver. Autrement, pourrait-elle en la trouvant la reconnaître? Je me rappelle d'avoir cherché et retrouvé beaucoup d'objets perdus. Mais comment le sais-je? Quand j'étais en quête de ma perte, on me disait « N'est-ce pas cela ?» Et je répondais « Non », tant que l'objet ne m'était pas représenté. Événement échappé à ma mémoire, m'eût-il été remis sous les yeux, je ne l'eusse pas retrouvé, faute de le reconnaître. Et il en est toujours ainsi toutes les fois qu'on cherche et recouvre ce qu'on avait perdu. C'est que, s'il s'agit d'un objet visible, pour être soustrait au regard, il ne l'est pas à la mémoire qui le retient par son image et, sur cette image intérieure, le reconnaît en le retrouvant. Car nous ne pouvons retrouver sans reconnaître, ni reconnaître sans nous souvenir. La mémoire garde l'objet perdu pour les yeux.